Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 66.0. Cette semaine, quelques sujets intéressants dans le Lobster. On va parler de virus, il en existe de plusieurs sortes, virus informatiques, virus humains. On en parle donc un peu plus tard dans le Lobster, mais j'en parlerai au niveau de détails inusités, des choses qu'on n'entend pas aux nouvelles, qui sont pas nécessairement pertinentes, mais que le Lobster se fait un plaisir de vous livrer dans le confort de vos oreilles. Mais avant de vous infecter un peu plus, le premier sujet dont je voulais vous parler est celui d'un organisme qui m'a contacté il y a un ou deux semaines. Il s'agit de l'association Mangomic Access. Aussi j'étais, aussi j'étais, son nom, c'est que mi voix, beaucoup n'en a aucun. Qui sont-ils? C'est un organisme qui a pour but de rendre accessibles gratuitement les mangas et les comics aux déficients visuels, aveugles et malvoyants. D'une manière plus concrète, leur idée est de retranscrire les mangas et les comics, c'est-à-dire de décrire les personnages, la situation, le décor et d'ajouter les dialogues des personnages tels qu'ils sont écrits dans le manga en format papier. Ils obtiennent ainsi une sorte de roman du manga ou du comic en fichier .rtf qui pourrait être lu par la synthèse vocale. Et pour certains mangas, ils essayent également d'avoir une version livre audio afin d'avoir un rendu plus agréable à l'oreille qu'une voix synthétisée. Donc, suite à mon intérêt et à certaines discussions que j'ai eues avec eux, ils m'ont fourni un texte de présentation que je vais vous lire. Ça présente bien leur organisme et certains d'entre vous ont un intérêt dans les BD, mangas et comics et le goût de les aider, vous pourrez les contacter. Question de transformer un peu de vos temps libres en quelque chose d'utile pour la communauté. Donc, voici leur texte de présentation. L'association Mangomic Access est une équipe de mangoustes passionnés et passionnantes, fans de manga et de comics. Mais qui sommes-nous? Des bénévoles de tout horizon et des quatre coins de la France, voire même au-delà des mers. Nous nous sommes réunis pour faire partager notre passion des mangas et des comics afin de le faire découvrir à ceux qui ne peuvent y avoir accès. Nous avons pour but l'accessibilité de ces BD, transformant le visuel en texte. Le processus est assez simple. Armé du manga ou du comic d'origine et d'un logiciel de traitement de texte, une mangouste voyante tape les dialogues puis décrit sous forme de narration les personnages, leurs émotions, les actions ainsi que le décor. Chaque transcripteur, c'est ainsi que nous les appelons, choisit son manga ou comic car il peut ainsi partager sa passion et l'écriture est plus aisée. Nous sommes également à l'écoute de nos utilisateurs et avons une liste de suggestions de titres que nous proposons à toute nouvelle mangousse. Chaque mois, nos fidèles utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux chapitres qui auront auparavant été bêta-lus par nos mangousses mâles ou non-voyantes. Il y a actuellement 10 mangas disponibles en intégralité sur notre site web ainsi que 12 en cours de transcription. Nous essayons également de proposer ces textes en version audio, mais nous manquons de mangoustes avec une belle voix pour ce faire. Seul un titre est disponible en intégralité et un autre est en cours de préparation. Notre équipe de poilus est toujours prête à accueillir de nouveaux membres pour partager sa passion et notamment pour les comics dont nous souhaiterions voir arriver les premiers titres prochainement. Nous vous ferons une petite place au show dans notre terrier. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, nous envoyez un mail à amidesmanga@gmail.com, amidesmanga@gmail.com, et ensuite nous conviendrons de la rédaction d'un chapitre test ou d'un test audio selon le projet qui vous intéresse. À très bientôt, Sandra, présidente et responsable animation de la bande des mangoustes. Donc voilà, je pense que ça présente bien leur organisme. Je leur avais aussi demandé si c'était possible de me fournir un petit exemple de ce à quoi ça ressemble les versions audio qu'ils présentent. Et ils m'en ont gentiment envoyé un. On va l'écouter, ça dure un petit 3 minutes. C'est le premier chapitre de Chi, une vie de chat. Donc, on l'écoute. Chi, une vie de chat, tome 1. Que faire quand on est un mignon petit chaton et que d'un coup on se retrouve tout seul? Pleurer? Ne rien faire? Attendre? Non, il y a plus drôle que ça, découvrir le monde. De jardin public à la maison, des chaussures au vétérinaire, des balles rebondissantes aux plantes d'appartement, la vie de chat est pleine de joie et de surprises. Et avec Chi, elle l'est encore plus. Miaou! Chapitre 1. Chi perd son chemin. Dans la rue, des chats se promènent, se suivant à la queue leu-leu. La maman chat, grise et tigrée, est suivie par trois chatons. L'un possède son pelage, le second a le cou et les pattes blanches, quant au troisième, qui rêvasse, le nez en l'air, il n'a que le dos, la queue et la partie supérieure de la tête de tigré gris. Soudain, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Oh ! Des oiseaux dans le ciel attirent son attention et il lève la tête. Les oiseaux partis, il regarde autour de lui. Il est seul. Il tourne la tête à droite. « Elle est où, maman ?» Puis à gauche. « Elle est où, la maison ?»« Miaou ! Maman ! Maman !» Il se met en quête de sa mère, apeurée. « Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou !» Un chien passe à côté de lui, et la bouche en cœur, le chaton se tourne vers lui. « Tu sais où elle est, ma maman ?»« Miaou ! Miaou !» Le chien se tourne vers lui et ouvre grand la gueule. « Ouaf ! » Il est retenu par sa laisse et sa maîtresse l'entraîne plus loin. Le chaton est pétrifié et a la queue tout ébouriffée. « Oh, oh là là, oh, j'ai très peur, moi !» Il soupire de soulagement lorsqu'une voiture arrive. La voiture passe à toute vitesse devant le chaton. Il ouvre grand les yeux et des larmes commencent à perler au coin de ses yeux. Ah. Il se met ensuite à trembler, le corps couvert de sueur. « Au secours !» Je veux rentrer à la maison! Je veux rentrer à la maison! Tremblant, le chaton se met en marche. Miaou! Miaou! Il arrive alors dans une grande étendue d'herbe. Mais je sais pas où elle est! Une grenouille est assise sur l'herbe et attire son attention. Miaou! Tu connais ma maison? La grenouille se met à sauter et disparaît dans les herbes hautes. Le chaton s'assoit puis se laisse tomber en avant. J'ai faim! Il repense alors à sa mère et à son confort dans le panier lorsqu'il est à son côté. Des larmes perlent au coin de ses yeux. J'ai perdu ma maison! Un enfant arrive en courant et criant joyeusement. Il trébuche et tombe devant le chaton toujours allongé. Oui! Ouin! Se met à pleurer l'enfant. Le petit chat ouvre les yeux. Oh! Ouin! Continue l'enfant avant d'apercevoir le chat. Tiens! Il essuie ses larmes et regarde le chaton. Toi aussi, tu as perdu ta maison? Pense le malheureux chaton. La mère de l'enfant s'approche. Tu peux te le relever tout seul, mon chéri, l'encourage-t-elle. Maman, le minou est tombé, dit-il en désignant le chat. À suivre dans le chapitre 2, Chi est recueilli. Donc voilà, si certains d'entre vous ont le goût de s'impliquer avec eux, je mettrai tous les détails sur l'association Mangomic Accès dans la page Facebook du Lobster. Sinon, juste tapez le nom de leur association dans Google et vous allez tomber directement sur leur page Facebook. Fin de ce premier sujet du Lobster 66.0. Maintenant, on part en musique. Un artiste que j'aime vient de sortir du nouveau matériel, Maître Gims. Non, je devrais juste dire Gims. Il a changé de nom de scène dernièrement. Et il ne se fait plus appeler Maître Gims, mais simplement Gims. Et il vient de sortir la chanson 10 sur 10 avec Dadju et Alonzo. Un beat relax qui devrait plaire aussi bien à mon public de voyants que non-voyants. On l'écoute. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai deviné ses formes à travers l'obscurité. Je lui ai mis un 10 sur 10. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué. On va lui mettre un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. On va te mettre un 10 sur 10. Laisse-moi fermer l'inspire sur les mots. Et je ne sais plus comment m'exprimer. Mes yeux ne savent pas mentir, mi amor. Ce que j'ai vu m'a déstabilisé. Laisse-moi te dire merci, juste pour ta personne. T'es le genre de femme sexy que tous mes négros klaxonnent. Beauté toxique, tu nous empoisonnes. Tu sais ce que tu mérites et c'est ce qu'on affectionne. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu n'as pas besoin d'homme pour exister. Dis-moi s'il est déjà trop tard pour espérer croire qu'on pourrait rediscuter. Je sais que tu te méfies, t'as peur.

Parlons de virus informatique en premier. Je faisais des lectures là-dessus cette semaine et je suis tombé sur des petites informations que je connaissais pas et que je partage avec vous. Tout d'abord, les premiers virus informatiques n'avaient pas le but qu'ils ont aujourd'hui. Les tout premiers logiciels de ce type étaient de simples divertissements. Par exemple, j'ai lu qu'un jeu avait été inventé en 1970 par trois informaticiens et appelé Core War. Pour ce jeu, chaque joueur écrivait un programme et le chargeait en mémoire. Le système d'exploitation exécutait ensuite tour à tour une instruction de chacun des programmes, l'objectif du jeu étant de détruire les programmes adverses tout en assurant sa propre prolifération alors que les joueurs ne connaissaient pas l'emplacement du programme adverse. Donc, les joueurs devaient inventer une méthode pour trouver le code de l'autre et le détruire. On disait de ce jeu, les programmes sont capables de se recopier, de se réparer, de se déplacer en différentes zones de la mémoire et d'attaquer les programmes adverses en écrivant de façon non déterministe dans d'autres zones de la mémoire. La partie se terminait au bout d'un temps défini ou lorsqu'un l'un des joueurs voyait que tous ses programmes étaient inactifs ou détruits. Le vainqueur était celui qui possédait le plus grand nombre de copies actives. C'était l'acte de naissance de la programmation des virus. Donc, il semble que les virus informatiques sont nés sous la forme de jeux avant de devenir ce qu'ils sont maintenant. Je lisais aussi qu'en 1986, l'ARPANET, l'ancêtre de ce qui a fini par mener à Internet, fut infecté par Brain, virus renommant toutes les disquettes de démarrage de système en C-Brain. Les créateurs de ce virus y donnaient leur nom, adresse et numéro de téléphone car c'était pour eux une publicité. C'est quand même comique que le virus était bâti pour livrer le nom de son créateur et son numéro de téléphone. Ce n'est plus le cas maintenant, les auteurs de virus sont maintenant passibles de bien des maux jusqu'à la prison, donc ils sont plutôt rares à développer des virus ayant pour but de livrer leur nom et numéro de téléphone. Ensuite, en 1998, le ver Morris, c'est le premier virus à avoir frappé Internet. Le ver Morris a mis hors service plus de 6000 ordinateurs, ce qui représentait à ce moment-là 10% des postes connectés à Internet. Le but de son créateur, un étudiant du MIT, était pourtant au départ simplement d'évaluer le nombre de machines reliées à la toile. Mais il entraînait aussi un ralentissement général de l'ordinateur jusqu'à le rendre inutilisable. La condamnation de Morris à 400 heures de travaux d'intérêt général et de 10 000 d'amende signa la première peine infligée à un hacker. Ensuite, 1999, c'est une stripteaseuse qui frappe. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Le virus Melissa, du nom d'une stripteaseuse de Floride, a été le premier virus à diffusion de masse qui utilisait la technique du spam. Le virus se propageait via la messagerie Outlook avec un document contenant prétendument une liste de mots de passe donnant accès à des sites pornographiques. Une fois ouvert, le document libérait le virus qui envoyait alors des courriels infectés à tous les contacts présents dans le carnet d'adresses. Il causa ainsi une saturation du trafic Internet jusqu'à bloquer les messageries du gouvernement américain. Son créateur, David L. Smith, vit sa peine de prison réduite à 20 mois en acceptant de collaborer avec le FBI. Donc, fini les travaux communautaires, on est rendu à des peines de prison en 1999. En 2000 arrive I Love You. 3 millions de machines infectées en seulement 4 jours. I Love You fut probablement un des virus informatiques les plus virulents de l'histoire. Il se propageait via un courriel dont le titre était I Love You et contenait un code malveillant. Une fois qu'il était ouvert, tous les fichiers de l'ordi étaient détruits et remplacés par une copie vide. 10% des utilisateurs Internet auraient au final été touchés pour des dégâts estimés à plus de 10 milliards de dollars. C'est un des déclencheurs qui a mené à l'arrivée des antivirus. Antivirus qui, à mon avis, sont eux-mêmes des virus permanents, car de par leur fonction, ils ralentissent tout le temps nos ordinateurs. Par exemple, sur mon ordi de travail, je ne sais pas ce que fait l'antivirus, mais il est la cause principale de ralentissement. Sur mon ordi personnel, moi j'ai tout viré, je roule sans antivirus depuis des années. Quand j'ai des doutes, j'installe un antivirus gratuit, je fais un scan et me débarrasse de l'antivirus tout de suite après. Donc, chacun son avis sur l'antivirus. De retour au virus, en 1917, donc très récemment, le virus Petya, NotPetya, est probablement le virus le plus cher de l'histoire. Il aurait coûté plus d'1 milliard d'euros aux entreprises touchées, selon les calculs du journal Le Monde. Apparu en juin 2017 en Ukraine, ce rançongiciel a paralysé les ordinateurs de plus de 2000 entreprises, dont le transporteur FedEx ou même la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc, on voit qu'on est loin du jeu de départ. Récemment, dans les nouvelles, on pouvait aussi lire « Un ordinateur portable contenant 6 virus informatiques parmi les plus dangereux a été vendu aux enchères pour 1,3 million de dollars. » L'acheteur devait s'engager à ne pas connecter l'ordinateur sur Internet. Donc, c'est un vieil ordi de 2008 sur lequel a été installé 6 des pires virus informatiques. Ces 6 virus auraient causé à eux seuls pour 95 milliards de dommages. L'ordi a été vendu comme objet d'art par l'artiste Guo Hodong, qui s'est quand même rempli les poches avec son idée, 1,3 million de dollars. Je me demande bien moi qu'est-ce que je pourrais vendre pour ce montant et prendre ma retraite immédiatement. S'il y a des gens intéressés, j'y ai pensé un peu. Et quand j'étais plus jeune, j'ai fait un dessin avec mon sang quand j'avais aux alentours de 13 ou 14 ans. Et je suis prêt à le laisser aller pour 1 million de dollars. C'est négociable. Vous pourrez ainsi me cloner à volonté avec tout cet ADN. Oh, je viens de capter un message d'une tour de contrôle sur mon CB radio. On écoute. Mayday, mayday! Ici vol DC-132. Demande priorité d'urgence pour atterrir avec déploiement immédiat du CCU, le Canadian Contamination Unit. Ici tour de contrôle, quel est votre problème? Mon copilote, qui est assis juste à côté de moi, tousse et a la guédille au nez. Ah! Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Ben oui, hein, regardons ça, il vient de faire un gros épitchum, le monsieur. Ben, écoutez, commandant, là, donnez-y une petite shot de sirop bâclé, là, pis tout va bien aller. Donnez-y une petite shot de sirop bâclé, là, pis tout va bien aller. Hey, le jouf! Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le SARS, la grippe aviaire, le virus du Nil, ou encore pire? Il y a H1N1. Je crois que c'est juste un petit rhume, là, commandant. Je me sens pas du pire que ça, là. Hey, toi, laisse ta bouche fermée! Commandant, restez calme, s'il vous plaît, là. Restez calme! Non, je ne reste pas calme! Mon cockpit est contaminé par des milliards de germes gluants invisibles à l'œil nu! Qui risque de muter à tout moment un virus mortel qui pourrait me foudroyer! Ce qui mettrait automatiquement la vie de tous mes passagers en péril. Achou! Bon, est-ce qu'il fait de la fièvre, là, votre copilote, là? Ben, justement, vous savez, pour être prêt à faire face à toute éventualité, je traîne toujours sur moi un petit thermomètre anal. Non, écoutez, là, vous dites, commandant, là, j'en fais pas de température, c'est juste un petit rhume. C'est un petit rhume, là. Malheureusement, mon copilote affiche un comportement suspicieux en refusant de baisser son pantalon. Bon, d'accord, là, on prendra pas de chance, là, vous connaissez la procédure. Allez vous poser un coup de jouac, on va évacuer vos passagers, décontaminer l'avion, puis vous mettre en quarantaine. Hein? Comment ça, nous, mettre en quarantaine? C'est lui qui est plein de microbes, là, c'est pas moi. Écoutez, commandant, là, si votre copilote tousse puis éternue juste à côté de vous, là, vous avez probablement ses jambes partout sur vous. Suivez bien les directives du CCU, puis tout va bien aller. Bonne chance, un coup de jouac. Over. Je suis vraiment désolé, commandant, je... Hey, ta femme, tu ta gueule, toi! Ok, commandant. Bon, avant l'infection complète de la région, on part en musique et ça risque de déraper un peu. Je travaille une semaine sur deux de la maison. Et de la maison, je lance souvent des mix de musique sur YouTube pour agrémenter mon travail. Et cette semaine, je suis allé à fond dans les vieux succès du Québec. Et au fil des différentes playlists, j'ai écouté un peu n'importe quoi. On part donc avec une chanson qui aurait été dans mes préférées si j'avais vécu ma jeunesse dans les années 60. Une chanson qui a eu plein de versions. On en écoute un mélange. Elle est

L'article nous apprend aussi que les membres du groupe reprendront les études en septembre 1966 malgré ses engagements dans les salles de danse de La Chute, donc un groupe qui n'aura vécu qu'au cours de l'été 66. Bon, maintenant, insolite, le premier humain au monde infecté par un virus de PC. C'est un article de 2010 qui jase de ça. Le docteur Marc Gasson de la University of Reading affirme être le premier humain à avoir été infecté par le virus d'un ordinateur. Le scientifique britannique s'est implanté une puce électronique dans la main qui lui permettait d'ouvrir les portes de sécurité et d'activer son cellulaire. Lors d'expérimentations portant sur les risques potentiels que représentent les implants médicaux, le docteur a démontré qu'il est possible de faire transmettre le virus d'un ordi à des systèmes de contrôle externes. Donc, il s'est auto-infecté. Mais quand même, son point était de prouver les dangers de virus informatiques qui pourraient à terme affecter des pacemakers ou autres implants critiques, ceux-ci embarquant de plus en plus de technologies. Toujours dans le semi-insolite, j'ai lu un article qui dit « Un océan de virus ». 195 728, c'est le nombre d'espèces de virus recensées dans les océans du monde par une équipe de chercheurs américains. Leurs travaux, publiés récemment dans la revue Cell, multiplient par 13 le nombre d'espèces précédemment identifiées en mer. Donc, une seule cuillerée d'eau de mer peut renfermer des millions de virus. On dit cependant de ne pas annuler vos vacances à la plage, la grande majorité d'entre eux sont sans danger pour les humains. Ils s'attaquent plutôt à ce qui vit dans l'eau, que ce soit des poissons, des algues, des baleines ou encore des bactéries. Les virus marins demeurent méconnus de la communauté scientifique et le nombre d'espèces identifiées devrait continuer de croître au cours des prochaines années, au fur et à mesure que de nouveaux secteurs maritimes seront échantillonnés. On dit dans l'article que ces travaux sont importants. Des études récentes ont démontré que ces micro-organismes contribuent à capter le CO2 dans l'air pour l'emprisonner dans les profondeurs de la mer, un mécanisme que des chercheurs rêvent d'utiliser pour lutter contre les changements climatiques. Encore dans l'insolite, près de 6000 couples venus de 64 pays se sont dit oui vendredi en Corée du Sud lors d'un mariage collectif organisé par ce que l'article décrit comme étant une secte. Ceux-ci ont maintenu la cérémonie malgré les risques de contamination liés au coronavirus. Des masques ont été distribués aux quelques 30 000 participants, mais seuls certains les ont portés. Une personne a dit « Ce serait mentir que de dire que je ne m'inquiète pas du tout de l'épidémie », explique Choi Jin-yong, une étudiante de 21 ans qui a rencontré son mari voilà 2 mois via l'organisation. « Mais je me sens protégée du virus aujourd'hui. » Donc sachez-le, les jours de mariage, le virus ne se transmet pas. Bon, assez parlé de virus, mais ça me fait quand même penser à de quoi de nouveau que j'ai eu avec le travail. Depuis janvier, je peux consulter une infirmière ou médecin via mon téléphone. C'est un nouveau service qu'on a chez Desjardins. Tu installes l'application Medicis et c'est parti. En ce moment, je peux voir que si je clique, je peux parler avec Karine, une infirmière praticienne spécialisée. Je trouve ça bien d'avoir accès à ça. Pour ceux qui n'ont pas accès à ce genre de service, vous pouvez quand même vous rabattre sur ce service téléphonique que j'ai trouvé, qui donne supposément de bons résultats. Mesdames, messieurs, voici la reine des étoiles, la déesse de la lune, Jojo! Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici et je vous promets que cette émission sera super excitante. Attachez vos ceintures, c'est un décollage. Êtes-vous prêts pour la magie de l'amour? Oui! Beaucoup de gens satisfaits m'ont confié à quel point c'était agréable d'appeler Jojo Medium. Eh bien. Alors, il faudrait en parler. Ben, pourquoi pas? Nous allons parler. Il semblerait que cette croissance du phénomène de Jojo Medium, c'est plutôt incroyable. Incroyable, c'est phénoménal. Alors, merci tout le monde. Et pour nous, la qualité, c'est important. Nous avons les meilleures équipes de voyants dévouées et très professionnelles en Amérique du Nord. Et nous sommes là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseils, avec des prédictions. On parle de la magie de l'amour, car dans l'univers, tout est amour. Et cette énergie qui nous rapproche et qui nous fait évoluer, c'est l'amour. Nous sommes tous des reliés comme des petites gouttes dans l'océan. Alors, laissez-nous vous guider et vous conseiller. Donc, mes petites gouttelettes d'océan de lobster, vous n'avez plus à vous inquiéter. Si jamais une pandémie frappe le monde, le service de Jojo Medium va être là pour vous prédire que tout va bien. Bon,

of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. C'est à toi que je pense toute la nuit, nous devons nous entendre. Bon, je sais, vous devez vous dire, ça fait 10 minutes que tu nous joues ta vieille musique, chante pas en plus. Donc, j'arrête là. Mais cette semaine, j'ai accueilli le retour de mes enfants de l'école avec cette musique. Je mets la musique et je me cache habituellement dans le garde-robe d'entrée avec un masque d'Halloween. Bon, ils sont un peu habitués que je me cache pour les accueillir, ils font plus de sauts. Quand il me voit pas assez à mon ordi, c'est plus de l'amusement mixé avec un bon. Il est encore caché où? Mais cette semaine, ils aimaient bien cette vieille musique. On a monté le son car ils aimaient ça. C'est quand même joyeux et animant cette musique. Voilà, on est déjà à ma dernière intervention dans ce Lobster. En fait, je sais pas, je dois aller à la boutique de comics dans quelques minutes. Je pense qu'on va utiliser la magie de Jojo Medium pour se téléporter à mon retour. J'ai sûrement de quoi vous raconter sur les BD, donc profitons de ce bref interlude pour se projeter dans le futur. Jojo Savard est une femme professionnelle, chevronnée et visionnaire. Astrologue renommée, auteure et motivatrice, elle a déjà paru dans plusieurs revues importantes au Canada. Jojo vit d'amour et de compassion. Elle aime aider les autres. Pour les milliers de gens qu'elle a aidés, Jojo représente sûrement un ange, un personnage de conte de fées. Mais elle est de chair et d'os, comme nous tous. Elle s'anime de sagesse et elle se chauffe de chaleur humaine. Jojo Medium vous présente La magie de l'amour, avec votre animateur, Georges Whelan, une des vedettes les plus aimées du Québec, Claude Boulard, ainsi que Jojo, la fée des étoiles et la déesse de la lune et son équipe de voyants. Mesdames et messieurs, votre animateur, Georges Whelan. Merci, mesdames, messieurs, merci bien. C'est avec énormément de plaisir que je me retrouve ici avec vous. Et moi aussi, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. On est rendu samedi matin. Bon, la magie de Jojo a très mal fonctionné hier. Quand j'ai voulu partir, j'ai jeté un coup d'œil à Google Maps et un trajet de chez moi à la boutique, qui est de 35 minutes habituellement, était rendu un trajet de 1h10. J'ai donc jeté un coup d'œil à mon auto. Elle était enfouie dans la neige. Faut dire qu'on était en pleine tempête. Entre 30 et 50 cm de neige nous tombait sur la tête de jeudi à samedi. Donc, je suis allé dehors, j'ai gratté ma voiture et remis ma visite à la boutique à un peu plus tard en soirée. Question de laisser passer le trafic de Montréal. Je suis donc parti en soirée, alors qu'il neigeait encore pas mal. Je roulais à 70 maximum sur la 40, mais j'ai réussi à me rendre. Avant de partir, je m'étais embarqué une grosse pelle, car je me disais que trouver du stationnement ne serait pas facile avec toute cette neige. Donc, à destination chez Comic Hunter, il n'y avait plus de trottoir. Ils étaient enfouis dans la neige et au moins 20 cm dans la rue louche où se trouve la boutique. Mais bon, ma voiture est 4 roues motrices, je me suis essayé dans une première place et ça ne marchait pas. Je suis donc allé un petit peu plus loin et avec avance-recul quelques fois, j'ai réussi à me trouver une place dans le bas de neige. Je suis donc entré dans la boutique. Il y avait environ un client. Il y avait les deux proprios, un employé, moi et l'autre client. Et quelques minutes après mon arrivée, un autre client est entré en disant « Ça prend vraiment juste des gens de région pour sortir par une température pareille. » Il disait qu'il arrivait de Brossard sur la rive sud de Montréal. Et lui aussi avait trouvé pénible de se rendre à la boutique. Mais il faut croire que l'attraction de venir voir les nouveaux comics était trop forte. Moi, j'ai passé environ une heure dans la boutique à regarder les nouveautés et à fouiller dans le stock existant. Cette semaine, il y avait un nouveau comics qui a attiré mon attention, celui de Adler. C'est l'histoire de Irène Adler, une femme qui fait partie de l'univers de Sherlock Holmes. J'ai déjà lu le comics hier soir et c'est très bien dessiné et bien fait. Dans ce premier comics, elle se fait amie avec deux, trois autres femmes. Il est question du professeur Moriarty et de papiers importants qui semblent liés aux recherches de Marie Curie. Donc, ça commence bien. Le numéro 2 va être disponible en mars. J'ai déjà hâte. Ensuite, je vous avais parlé la semaine passée de Kiss. J'ai trouvé le comic de Kiss Zombie, mais c'était les numéros 2 et 3. Le numéro 1 n'était déjà plus disponible. Mais j'ai regardé les images de ceux qui étaient là et ça semblait moyen. Donc, j'ai laissé tomber, car on peut bien sûr commander. Souvent, il y a des deuxièmes impressions qui nous permettent d'acheter les premiers numéros. Mais comme ça semblait plus ou moins bon, j'ai perdu intérêt. Depuis quelques semaines, je regardais dans les comptoirs une série de livres formant un peu plus gros qui se nomme Lumberjane. Et hier, je me suis laissé tenter par le numéro 1, Lumberjane Beware de Kitty Holly. Je pense que la traduction de Lumberjane serait l'équivalent de nos Jeannettes, comme les scouts, mais féminins. J'ai lu quelques pages et l'histoire est déjà bonne. Une des filles est aux prises avec un genre de renard à trois yeux dès le début de son arrivée au camp. Donc, j'ai déjà hâte de lire la suite. Je me suis endormi là-dessus hier soir sans réussir à le finir. Je me suis aussi laissé tenter par une nouvelle série de comics qui débute. Conan Battle for the Serpent Crown. J'ai acheté au cours des semaines passées la série Conan Serpent War, une série de 4 comics, et là, ça semble être la suite. Donc, j'ai ramassé le numéro 1 et leur ai dit de mettre la suite dans ma réserve quand ça arrivera. Donc, comme ça, je suis sûr d'avoir tous les numéros. Et évidemment, quand je vais à la boutique, je ramasse ce qu'ils ont mis de côté pour moi. Cette semaine, j'avais le numéro 2 de Spider-M. C'est un Spider-Man cochon, c'est comique. Et il y avait les numéros 2 et 3 de Iron Maiden Legacy of Beasts. Eux, les pages titres de ces comics sont magnifiques. C'est une série de 5, donc j'attends d'avoir les 5 avant de le lire et de vous en parler. Voilà! Pour ceux qui se demandent combien ça coûte ces comics-là, le prix américain sur ces comics est de 3,99$, donc en dollars canadiens, ça revient à environ 5$. Et pour les comics pour lesquels on s'abonne pour recevoir tous les numéros, la boutique nous refait un rabais, donc ça revient un peu moins cher. Moi, j'achète surtout les séries dont j'aime les dessins. C'est pas mal ça qui me fait choisir une série. Évidemment, je suis un gros fan de Conan, mais pour le reste, j'essaie de découvrir un peu n'importe quoi. Et malheureusement pour mon budget, la boutique fait des vidéos à chaque fois que des nouveautés arrivent. Genre le mercredi, jeudi ou vendredi, il y a toujours des vidéos sur Facebook où ils nous présentent les nouveautés. Et il suffit de répondre en disant les numéros qu'on désire faire mettre dans notre réserve. Bref, c'est un univers intéressant que celui des comics. Là-dessus, je vous laisse avec la fin du Lobster. À défaut de me répéter à chaque fin de Lobster, je m'en vais poursuivre les dessins de ma BD. La dernière fois que je vous en parlais, les deux frères avaient déterré un coffret ancien. Là, ils sont rendus chez leur voisin pour lui demander de les aider à traduire les parchemins se trouvant à l'intérieur. Il m'a fallu environ 10 heures pour dessiner une grosse case qui montre le chalet du voisin. Mes garçons m'ont dit que c'était le plus beau dessin à date. La maison est entourée de jardins fleuris et je pense avoir bien réussi. Là, les deux frères rentrent dans la maison et on y voit que Fléau, le voisin, a une grosse bibliothèque de livres anciens liés à la botanique. Je suis rendu là à dessiner. Donc, bonne fin de l'Obsard, on se reparle la semaine prochaine. 97 we started, lost the way and spread all apart. The Holy Roman Empire. The remaining knights prepared for attack. To another prophet departed. On they fought with no turning back. The kingdom rise forevermore. And by the city of Siren, their bodies lying to rot. And underneath blood and iron lies the promise and the Ils sont toujours là, c'est con. Non mais c'est pas vrai, c'est une vraie déclaration de guerre ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas les laisser camper sur nos terres sans rien dire quand même. Non, en plus les Burgondes, ils sont dégueulasses. Ils mangent salement et ils ramassent même pas leur détritus. Vous inquiétez pas, sire, y a pas de raison que ça se passe mal. Ça me fait bizarre quand même, aller négocier un traité de paix tout seul comme ça. C'est mieux, roi contre roi, face à face. À table en plus, ça n'est pas un peu négligé comme traité de paix? Vous avez vu le gars, à mon avis il aime bien bouffer, ça peut que le mettre dans de bonnes dispositions. Bon, ben allez, on y va. L'interprète Burgonde est là? Non, mais cette fois-ci il n'y a pas d'interprète. Pas d'interprète? Non mais vous vous foutez de moi? Vous croyez peut-être que je vais tailler la bavette en Burgonde? D'après le message de son ministre, il a pris des leçons pour parler notre langue. Il s'en sort pas mal, il paraît. Attendez, attendez, le roi Burgonde il parle notre langue? Il a pris des leçons. Eh ben, il part pas gagnant, le traité de paix. Ça vous donne une occasion de le flatter. Vous le félicitez pour ses progrès, vous utilisez un vocabulaire très simple. Décarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça. Cuillère. Très bien. Très bien. Non. Cuillère. Cuillère. Cuillère. Mais ça fait rien. On s'en fait rien. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix... Ok. Alors, on va demander un interprète. Ah ! À tour ! À tour ! Eh ben, quoi ? Oui, Interprète. Interprète. Interprète. Interprète. Couillère. Arthur. Quoi? La fleur en bouquet fane. Et je mène René. Bon, vous traduisez exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. Je discute pas météo. Météo! Non mais attendez, j'ai pas dit que je parlais le Burgonde, moi. Mais qu'est-ce que vous foutez là, alors? J'ai dit que quand j'étais gamine chez les Pictes, j'avais une petite copine prisonnière qui était Burgonde. Eh ben, vous parlez Burgonde. Nous? Et s'il parle un peu votre pote, il y a peut-être quelques mots qui vont me revenir. Oh non, mais c'est pas vrai. Arthur, pas changer assiette pour fromage. C'est pas du Burgonde, ça. Bon, est-ce que vous savez dire traité de paix? Je sais pas dire traité. Est-ce que vous savez dire paix? Non, je sais plus. Couillère. Couillère. Couillère. Couillère. Avec César. Hé, hey, signez là, machin. Couillère. Mais qu'est-ce que vous faites? On va pas y passer la nuit. Couillère. Ah ah. Là. Hop, et voilà! Mais il comprend pas ce qu'il signe, il risque pas de retirer ses troupes! Ah, troupe! Troupe! Troupe! Troupe! Troupe! Troupe! Troupe! Oupla! Troupe! Troupe! Il y a des merdes d'oiseaux partout par terre chez vous, c'est parfaitement dégueulasse! Mais non, ça c'est moi quand je me transforme en chouette! De quoi? Ah oui, la sensation de liberté, je vole dans la pièce, je me sens plus et je fais pas gaffe. Mais d'où il sort, celui-là? Je sais pas, mais si vous aviez l'obligeance de le mettre dehors, vous seriez bien aimable. Mais pourquoi? Il est gentil. Il est surtout affreusement sale. Mais pas du tout, ils sont jamais sales, les chats, ils passent leur journée à se laver. Ben, ils marchent par terre, hein, avec leurs pattes, là. Mais alors, vous aussi, vous marchez par terre, c'est pas pour ça que je vous vire du lit? Soyez gentil, enlevez-moi cette bestiole de là, elle m'incommode. Oh, ben c'est dommage, il est bien, là. S'il vous plaît. Mais bon Dieu, mais virez-le vous-même, vous m'emmerdez à la fin. Ça me dégoûte. Mais c'est pas possible de faire un flanc pareil pour un malheureux greffier. C'est surtout pas possible de votre part de pas comprendre que j'aime pas les... Moi, je veux bien que vous vous transformiez en ce que vous voulez. Ce que je veux pas, c'est que vous en profitiez pour venir vous vautrer sur mon plumard. Je suis désolé, mais quand je me transforme en chat, j'ai des réflexes de chat. Les coussins, la cheminée... Alors transformez-vous en autre chose. Mais là, c'est la semaine du chat, c'est pas moi qui décide. Ça, vous faites pas exprès, c'est ça? Si. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de druidisme, mais là, c'est une semaine consacrée à l'esprit du chat, voilà. Alors cette semaine, je vous conseille d'aller vous faire les griffes ailleurs que vers chez moi, c'est clair ça? Je comprends pas ce qui vous gêne. Ce qui me gêne, c'est que vous écoutez les conversations, que vous voyez ma femme se déshabiller. Bon, c'est bon, ça finit demain. Après, c'est fini. Après, c'est la semaine de l'araignée. Mais c'est pas vrai! Ben oui, mais cette année, ça tombe deux semaines de suite. Et vous allez venir crapahuter sur les murs de Napiole aussi? Ah non, quand je suis en araignée, je passe une semaine entière enfermée dans mon labo, parce que voyez-vous, les gens ont certains réflexes avec les araignées. Un accident est vite arrivé. Une semaine entière dans le labo, sans sortir? Ah, je joue la sécurité. Mais qu'est-ce que vous bouffez? Des moucherons? Bah oui, je suis con. Bah alors je me tire une toile à partir de l'étagère jusqu'au rebord ça va, du... Ça va, c'est bon, j'ai compris. Tiens, il est encore là, le chat qui fait des éclairs. Mais oui. Alors, ça c'est Merlin. Mais oui. Du coup, vous le caressez plus? Non. Est-ce que vous lui avez dit à Merlin que je supportais pas les chats? Bah il est là, vous avez qu'à lui dire vous-même. Je vais pas parler à un chat. C'est pas un chat, c'est Merlin. Je vais avoir l'air d'une idiote. Devant qui? Moi? J'ai l'habitude. Devant lui. Le chat ou Merlin? Je sais pas, moi. En tout cas, en chat ou pas en chat, on peut dire qu'il emmerde toujours autant le monde, celui-là. Il est pas là, le chat Merlin, ce soir? Ah non, c'est fini. C'est la semaine dernière. Qu'est-ce que vous faites? Une araignée comme ça sur le rebord du lit. Quand vous l'avez écrasée, elle a fait des éclairs ou pas? Aujourd'hui, dans Espace de vie, le magazine quotidien de la femme célibataire, Alice Viala nous présente une technique non sexiste pour mettre du chlore dans sa piscine. On vous pose la question. Est-ce possible pour une femme célibataire en 2017 de manger seule au restaurant sans pleurer? Et on rencontre le secouriste Nicolas Franqueur qui nous enseigne la réanimation cardio-pulmonaire pour femmes seules en 2017. En 2017, en cas d'urgence médicale, toutes les femmes célibataires connaissent la technique de base qui consiste à courir en rond en agitant les bras et en criant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Mais il y a aussi la réanimation cardio-pulmonaire. En 2017, 100% des femmes célibataires ont une chance de mourir un jour. Mais grâce à la réanimation cardio-pulmonaire, on peut faire baisser ces terribles statistiques. Je refuse de boire de l'eau dans un verre par peur de la noyade. Pour ma sécurité, je préfère mâcher une éponge humide. Je perds connaissance chaque jour, pendant des heures. Mon médecin dit que je dors. Je le crois pas. Dehors, les accidents de la voie publique. À la maison, les accidents domestiques. Ça fait 3 mois que je vis dans ma cage d'escalier. Nicolas Franqueur, vous êtes secouriste. Est-il difficile pour une femme célibataire d'appeler une ambulance lorsqu'elle est inconsciente? Oui, mais il y a une parade. Lorsqu'une femme célibataire inconsciente est incapable d'appeler l'ambulance, elle peut appeler un taxi ou se rendre aux urgences à vélo. Précieux conseil. Vous pouvez aussi dresser votre chat à composer le 18 pour appeler les pompiers. Précieux conseil. Mais le plus prudent, lorsqu'une femme seule célibataire ressent un malaise, c'est quand même de s'allonger complètement nue sur son lit, de tamiser la lumière et d'attendre un secouriste d'expérience. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec une séance de réanimation cardio-pulmonaire. Le bouche-à-bouche. Pour le bouche-à-bouche, le secouriste doit tout d'abord réajuster son équipement et doit poser ses lèvres sur la bouche de la victime. Regardez bien comme ma bouche recouvre complètement les lèvres de la victime. Vous voyez, ça peut sauver des vies. Avec la langue ? Ça n'est pas une mauvaise idée. Un malaise est parfois dû à un problème d'irrigation des organes vitaux. Eh oui. Il est donc nécessaire de stimuler la circulation. On saisit les jambes de la victime et on les manipule pour réactiver le flux sanguin. Ah, ah oui, ah, ça réactive, hein? Oui. Ah oui. Ça marche. Ah ça oui. Marche, hein? Ah oui. Autre technique. On saisit les jambes de la victime et on les place derrière sa tête. D'accord. Et on réactive. Ça circule. Ah oui. Ça circule. Super. Lorsque la femme est inconsciente, il est important d'agir rapidement. Mettre la victime en position de survie. Mais avant tout, s'assurer qu'elle n'a pas de fracture. Pardon, je suis chatouilleuse. Y a pas de problème. Vérifiez bien chaque partie de son corps. Ah, belle prise d'initiative, mais je n'ai pas été accidentée. Pas encore. Merci Nicolas Franqueur pour ses précieux conseils de secourisme au féminin en 2017. Avec plaisir. Et s'il nous reste quelques instants, j'aimerais évoquer la façon dont on peut prévenir la spasmophilie grâce à mon pénis. Oui, une autre fois, merci.